boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Le ciel se zèbre de mille éclairs et sans dire un seul mot te mettre à l'abri pour accueillir la pluie avant de fêter le retour du soleil. Si tu peux être amant sans perdre ton âme, si tu peux tenir tête sans cesser d'écouter, exprimer tes pensées sans hausser la voix, rester serein au milieu de l'effroi. Si tu peux supporter les compliments, les mots doux, sans trop y croire et toujours rester toi. Si tu peux rester digne quand les crachats et les insultes précèdent les coups. Si tu peux rester simple sans être simpliste. Si tu peux filer droit et accepter les détours. Et si tu peux aimer tous tes amis en frère, sans qu'aucun ne soit tout pour toi. Regarder le soleil, les yeux grands ouverts, et faire face aux nuages qui cachent la lumière. Si tu sais rêver et garder les pieds sur terre, bâtir tes songes de marbre. Si tu sais être nu sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans trahir l'enfant au fond de ton âme. Tu seras. Cette semaine, nos potes de Radio Le Zinc nous ont fait découvrir la bande à Monsieur Georges, les rockeurs français Bazar Bellamy. J'espère que vous avez aimé le premier titre « Un homme qu'on vient d'écouter » parce que Pop & Rock sur la trail locale RVR va valider Georges et ses potes très vite. Alors n'attendons pas pour déguster tout de suite Démodé tiré du premier album de Bazar Bellamy. Sur le volant monospatial, descendance transhumante de ma mère laisse le privilège de la maturité. J'en ai le hockey, j'en ai rendu ma ville à Gerbet sur le parquet flottant soldé. Je me déliterai, je me falsifierai, je me procrastinerai pour une heure d'éternité. Je me parjurerai, je me contredirai, je me soumettrai à tes coups de rein. Acérer, acérer, indomptabiliser. Passer des heures à mater la merde de ma télé. Je n'ai pas trouvé la force de protester, de m'accepter. De l'accueil de l'enfance car faut laisser la place aux petits lascars. Ils ont les dents bien aiguisées, surtout doués pour te pousser dehors. Oh, par pitié ne me fais pas le coup du trop âgé. C'est dur à avaler quand c'est un vieux sage qui vient de le jouer. Qui vient te le cracher? Qui vient te le jurer? Oh oh oh oh. Des mots, des mots, des. Oh oh oh oh. Désolé, désolé. Des étés et scellés. Je sens bien qu'aujourd'hui je suis mal barré. J'en ai qu'auberge des sirènes, de pédalos, à mon grand frère de cyprine au goulot. Tiens un peu fait gaffe de supermarché. Je me croise parfois le dimanche au rayon surgelé. Des années-lumière à déprimer. Seul au bout du quai. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. On va se jeter. Oh, les amours est perdu. Ne rebattront jamais dans mon corps exclu. Tentative inachevée. Leur abdicer les cœurs blessés. De fidèles auditeurs, vous savez que lorsque j'aime, je vais gratter et chercher. Je me suis donc lancé sur le messenger de Monsieur Georges et au bonheur, il m'a répondu. Pour la petite précision, Monsieur Georges, c'est le chanteur-guitariste de Bazar Bellamy et très vite, je lui ai demandé quel groupe il fallait absolument écouter. Il a évoqué Oslo Tropic, alors banco, mais faites gaffe, ça a des potes. Ça a des potes, j'ai dit ? Putain d'années 80. Oh. Et oui, encore du rock français dans Pop and Rock. Vous avez aimé Les Grands Palaces de Oslo Tropic. Ne bougez pas, voici Leur Nuit Verticale. Deuxième titre du soir de Oslo Tropic. Et soyez certains qu'ils reviendront vite sur RVR, car j'ai trouvé 10 titres des Toulousains. Et bonne nouvelle, Oslo Tropic est en pleine croissance. Oslo Tropic, 3 gars, une fille, sorti de Toulouse en mai 2021 avec Entre les mains du robot, premier album qui, je l'espère, ne sera que le premier d'une belle lignée. Mais vous le savez, l'histoire du rock est pleine de groupes ayant ce qu'on appelle des one-shots, et puis plus rien. Comme, rappelez-vous, nos habitués disparus, Agora Fidelio. Croire que l'on a 20 ans, à croire que l'on est vert, à croire que l'on a 20 ans, 20 ans et tout son temps. Croire que l'on a 20 ans. je vous le vois. Je vous le vois, Barcelone. Je vous le vois, les églises pointer vers le ciel. Les couleurs, c'est beau ce qu'il en reste. Je vous le vois. Je vous le vois, Barcelone, putain. Je veux le voir, Barcelone, mais là, je veux le voir, les églises. C'est beau ce qu'il en reste. Yeah. Ouais, le rock français est riche, le rock français est puissant, qu'il soit en langue française comme les Bazar Bellamy, Oslo Tropic ou encore Agora Fidelio, ou bien dans la langue de Shakespeare, comme avec Animal Triste. Je crois que je rêve, et ouais, je rêve dans ce monde corrompu, je rêve d'un festival à l'affiche idéale. On y trouverait Bazar Bellamy, Oslo Tropic ou encore Agora Fidelio et Animal Triste. Mais en tête d'affiche, des teutons quinca, comme par exemple ceux de Pink Tans Blue. Surfing in the room of love, I've seen too much and more than sit around and wait, but to have the means to fail, all I ever thought was wrong. And then the madness of my pride, the price of it was much too high. My dreams became reality. I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides. Than my life, I'm caged into the guiles, makes me gloomy and morose. Why I dare to go so far? I lost my brains, I lost my heart. I'll stay somewhere between. I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides. I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides. I can't escape reality, always traveling through my dreams. Nothing I could take the truth. Should I know whether I love you, whether I love you? Walking on both sides, walking on both sides, walking on both. Walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides. Pink Turns Blue, voilà des semaines que je ne les programmais plus, alors on compense ce soir avec un second titre. En 87, Pink Turns Blue chantait After All. You and me, you and me, Pink Turns Blue comme futur Oldies But Goldies dans Pop and Rock sur RVR comme peut-être le sublime Happy Birthday in the Sky de Placebo. La voix de Brian Molko, unique, irremplaçable, inoubliable. Programmation rock de la bande FM, pas de doute, c'est au 104.6 tous les lundis entre 17h et 18h dans Pop'n Rock. Et ouais, ça doit être vrai puisque c'est la voix off qui vous le dit. Et en parlant de Oldies but Goldies, si on allait réveiller Chrissy Hynde. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bae or dropping the bomb on my street. Now come on, baby. Or get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a cancer man. I don't mean a Hampstead nursery. But when you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, yeah. Mm-hmm.